Tu connais pas en fait. C'est son gadget toi. C'est quoi ça? Il prend la place de son outil. Tu regardes là? Regarde. Tu vois? Tu vas garder la marque? Ah oui, ça peut bien être, ça peut bien être. Sur les seins.